conversation scientifique par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux et à vous autres qui êtes ailleurs encore plus nombreux. Nous sommes dans la grande salle du théâtre de l'Odéon à Paris pour le troisième épisode de notre cycle d'émissions enregistré en public et intitulé « Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas ». L'idée qui nous a menés vers ce thème est tout simplement que la connaissance et l'ignorance avancent de conserve. Ignorer qu'on ignore, c'est de fait ne rien savoir. Tandis que savoir qu'on ignore, c'est vraiment savoir. C'est donc l'affaire des savants puisque cela suppose de connaître tout ce qui est déjà établi. Alors chaque fois, en compagnie du camarade Léon Bonafé qui lit des poèmes et nous fait part de ses propres inspirations, nous demandons à notre invité ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas à propos de tel ou tel sujet. Aujourd'hui, nous avons choisi le plus grand des sujets possibles, un sujet sans concurrence possible pour ce qui est de sa taille, l'univers soi-même, en toute tranquillité. L'univers, c'est un livre et des yeux qui le lisent, écrivait Victor Hugo dans L'océan d'en haut. Il avait raison. L'univers, c'est à la fois un objet et un regard qui déchiffre cet objet. Et cela tombe miraculeusement bien. Car vous le savez, un petit hasard orthographique a fait que l'anagramme de la conversation scientifique est « ce qu'on sait à côté, vers l'infini ». Il faut entendre cette coïncidence pure comme une invitation à décaler nos esprits pour qu'ils voient autrement et plus loin. Plus loin, cela veut dire au moins jusqu'aux étoiles et même jusque dans l'invisible, là où rôdent les particules élémentaires et toutes leurs furieuses agitations, et peut-être même carrément jusqu'au Big Bang. Que savons-nous à propos de tout ce petit monde? Et que savons-nous que nous ignorons à son sujet? Telles sont les questions que je vais poser à Christophe Galfard, qui est à ma droite. Bonjour Christophe Galfard. Bonjour. Vous êtes docteur en physique théorique, auteur d'un livre qui est un best-seller, qui s'intitule « L'univers à portée de main ». C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Dire que l'univers est à portée de main, est-ce que ça suppose d'avoir le bras long ? On fait partie de notre univers. Donc tout ce qu'on touche, tout ce qu'on est, est à portée de main aussi. Alors, quand on parle de l'univers, on ne sait jamais trop par quoi commencer. Vous connaissez cette histoire que je raconte souvent d'un automobiliste qui est complètement perdu dans la campagne irlandaise. Il cherche son chemin, il n'y a aucun panneau, les routes sont en mauvais état, il n'y a aucune âme qui vive, jusqu'à ce qu'il rencontre un paysan qui est là et auquel il peut demander « Monsieur, est-ce que vous savez comment on va à Dublin ?» Et le monsieur lui répond « Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout d'ici qu'il faut partir. » Donc, quand on parle de l'univers, on commence par où? Où est-ce qu'il faut aller pour que le concept apparaisse? D'ailleurs, dans le temps, quand est-ce que le mot univers apparaît et qui est-ce qui l'a inventé? Vous devez le savoir mieux que moi. Étymologiquement, il y a « uni » qui veut dire « un » et « vers » tourné d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose qui serait tourné vers l'un. Donc, c'est une sorte d'unification de tout, de par son le nom lui-même, qui en soi est problématique aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est Galilée qui a introduit cette notion par le fait que, en braquant sa lunette vers la Lune et vers d'autres planètes, il se rend compte que la matière, elle est même partout? Donc il y a une sorte d'unité ontologique dans l'univers, c'est partout la même chose. Et en même temps, c'est les mêmes lois physiques qui agissent partout, donc il y a aussi une unité législative. Et donc l'univers, c'est à la fois l'unité ontologique et l'unité législative. En quel cas, c'est une idée qui a à peu près 4 siècles. Alors, je ne sais pas si je le mettrais à Galilée, cette origine, mais pour Galilée, je lui donnerais la paternité de l'idée qu'il y a des lois dans la nature. L'idée que, voilà, si vous lancez un objet en l'air, par exemple, là, je suis devant vous, si je lance un objet vers vous, personne ne va se dire que l'objet va s'arrêter à mi-chemin entre au-dessus de vos têtes et revenir dans ma main tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a tous le sentiment, l'intuition qu'il existe des lois dans la nature. Et ce que Galilée a fait, c'est qu'il a transformé cette quête de loi en une quête de principe qui serait éventuellement sous-jacent à la nature elle-même et qu'on aurait la capacité étonnante de découvrir nous-mêmes. Et à partir de là, effectivement, est né, je sais pas si c'est l'univers qui est né, mais pour moi, c'est la physique qui est née à ce moment-là. La physique moderne. La physique moderne. Parce qu'il y a une physique chez Aristote qui justement ne s'appuie pas sur ces mêmes idées. Alors je me trompe peut-être aussi là-dessus, mais il me semble qu'avant Galilée, et puis c'est un petit peu caricatural, mais avant Galilée, l'idée de trouver une sorte de schéma qui expliquerait l'univers, quelle que soit la notion qu'on mette derrière l'univers, n'était pas forcément à mettre en relation avec l'expérience. L'expérience comptait peu, finalement. Ce qui comptait, c'était d'avoir une sorte de schéma logique dans la tête qui tenait debout. Que ça corresponde ou non à ce qui se passe autour de nous, c'était pas forcément l'idée recherchée. Après Galilée, si. Et c'est là, effectivement, je pense que la physique moderne est née. Alors, on a parlé de Galilée, mais assez vite, il faut qu'on arrive, on va vraiment très vite, hein, mais il faut qu'on arrive à Einstein, parce que Einstein, c'est quand même lui qui a inventé une théorie en 1915, qui s'appelle la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation. Et c'est la première fois qu'on a une théorie qui permet de penser l'univers non plus comme une enveloppe qui contiendrait les objets, mais comme un objet physique lui-même. C'est-à-dire un objet qui a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, la courbure de l'espace-temps, dont peut-être on reparlera, est une propriété de l'univers et non pas une propriété de quelque chose dans l'univers. Donc pour vous, qui travaillez sur ces sujets de cosmologie, plus généralement de physique théorique, quel rôle joue cette théorie de la relativité générale dans vos travaux? Et si vous pouvez le dire en 5 minutes à notre public, en quoi consiste cette théorie et comment elle change la façon de comprendre la gravitation? Après Galilée, il y a Newton. Je suis désolé, on va faire une petite pause avant d'arriver jusqu'à Einstein. Je l'ai enjambé. Et Newton, il nous a donné quoi? Il nous a donné des formules. Des formules qui, justement, quand je vous lançais cette chose vers vous, si ça ne s'arrête pas, en fait, Newton nous dit exactement où va tomber un objet qu'on a lancé. Bon, ben, Newton, c'est des formules qui nous expliquent, ou plutôt qui nous décrit comment va bouger un objet autour de nous. Et il a eu cette idée d'universalité. C'est-à-dire que les choses bouge d'une telle manière sur Terre et d'une même manière dans l'espace, partout, dans l'univers. Que sa formule, d'après lui, était valable dans l'univers tout entier. Alors là, on fait un sacré bond entre la recherche de lois et de principes et tout d'un coup quelque chose qui s'applique à l'univers tout entier. Quel qu'il soit, aussi grand soit-il, infini soit-il éventuellement, il y a des lois qui s'appliquent partout. Bon ben Newton, ça marche extrêmement bien. Il n'existe pas vraiment de choses dans notre quotidien qui seraient en contradiction avec Newton. Rien. Du coup, si on veut voir quelque chose qui change, il faut aller dans des endroits qui sont un petit peu plus extrêmes que ceux auxquels on est habitué. Par exemple, proche du Soleil. Si on est proche du Soleil, la gravitation du Soleil va être beaucoup plus forte que la gravitation de la Terre. Et là, éventuellement, il y a des petits changements qui vont avoir lieu. Et c'est le cas. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, tourne autour du Soleil d'une manière qui n'est pas explicable par la formule de Newton. C'est là qu'Einstein intervient. L'écart est quand même très faible. Oui, mais il existe. Et en général, aussi petit, aussi infime que soit la différence entre une théorie et la pratique, c'est en général dans cette infime rien du tout de différence que se trouve la révolution. Si on arrive d'aucune manière à expliquer une mini différence, eh bien là il y a peut-être révolution. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé avec Einstein. Newton, pour lui, l'univers, c'est un peu ce qu'on ressent tous. L'univers, si on y pense 2 secondes, on voit une énorme boîte avec une horloge à l'extérieur qui fait tic-tac et qui marcherait pour tout le monde. Bon ben, pour expliquer ne serait-ce que le mouvement de Mercure, il faut oublier cette idée-là. L'univers n'est plus une boîte fixe, aussi grande soit-elle, avec une horloge à l'extérieur. Il y a une horloge à chaque endroit qui peut faire un tic-tac, dont le tic-tac peut être différent de celui d'un endroit à l'autre. Et l'espace lui-même peut se déformer autour des objets que notre univers contient. Ça, c'est la relativité générale d'Einstein, et c'est absolument fondamental dans tout ce qu'on fait. Donc si je comprends bien, la gravitation n'est plus une force qui s'exerce entre les objets, c'est une déformation de l'espace-temps qui se courbe sous l'effet de l'énergie, de la matière. On peut dire d'une certaine manière que c'est pas une force qui vous tient là, vous, ou chez vous, près, au sol, c'est que vous êtes en train de glisser le long de la pente que crée la Terre, dans l'espace-temps, vous glissez, c'est comme une pente savonneuse, et vous ne tombez plus parce qu'il y a le sol sous vos pieds qui vous empêche de tomber. Mais le mouvement naturel, c'est la chute, c'est de glisser le long de la pente savonneuse d'espace-temps. Bon, on va quand même essayer de remonter la pente, mais avec Einstein, on a donc des formules qui permettent de calculer la forme de l'univers qui dépend, sa métrique, comme on dit en termes plus techniques, qui dépend de ce qu'il contient. Donc le contenant, l'espace-temps et le contenu sont intriqués, on pourrait dire. Ouais, il y a quelque chose d'amusant. Einstein, c'est moins une formule qu'un principe à nouveau, où le principe est le suivant. Il dit que, bon, on peut très bien imaginer que notre univers, il a un tissu de base qui est partout, et que ce tissu, il pourrait éventuellement se déformer autour des objets que notre univers contient. Par exemple, autour de la Terre, le tissu de notre univers est déformé. Autour du Soleil, le tissu est déformé. Bon, très bien. La gravitation d'Einstein, c'est exactement ça. C'est de dire que la forme de notre univers autour d'un objet est la même. Et de parler de la forme de l'univers autour d'un objet, c'est la même chose que de parler de l'énergie qui est contenue dans cet endroit. Les deux sont équivalents. La géométrie locale de notre univers est équivalente à l'énergie contenue dans une boule autour de cet endroit-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les équations d'Einstein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne nous donnent pas d'idées quant à la forme globale de notre univers. Ça nous donne des idées locales, pas globales. Donc on sait comment se déforme l'espace-temps autour d'un trou noir, par exemple, ou d'une étoile, mais on ne sait pas dire quelle est la forme générale de l'univers, c'est exact. Ça ? Et pour l'univers observable, on a quand même des idées. Alors pour l'univers observable, on peut... Alors quelle est la différence entre l'univers observable et celui qui ne l'est pas ? Alors, on peut le voir, l'autre non. Merci. Notre univers observable, disons... Alors comment on sait qu'il y en a un qu'on ne peut pas voir ? Alors... Il y a plusieurs choses dans ces questions. N'oubliez pas, le thème de l'émission, c'est ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et donc, la probabilité est assez grande que je vous embête. J'espère bien. L'idée, c'est que, comment est-ce qu'on fait pour découvrir des choses autour de nous? Pendant très longtemps, on a eu qu'un seul outil, c'est la lumière. On regarde avec la lumière ce qui est autour de nous et on essaie d'en tirer des conséquences. Du coup, si vous regardez les étoiles lointaines, et les galaxies lointaines, vous pouvez tirer certaines conclusions sur quant à la façon dont notre univers se comporte. Et on peut par exemple se dire, bon ben, on regarde comment tout ça se comporte autour de nous, et on réalise qu'il y a de fortes chances que notre univers soit relativement plat. Ça veut dire qu'en gros, si je lance un rayon lumineux face à moi, ben le rayon lumineux, il va continuer plus ou moins. Plat, c'est pas la même chose que plan. Non. Ça veut dire que c'est sans courbure. Ça peut être à trois dimensions et sans courbure. Oui, tout à fait. Mais on va revenir juste à ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est observable et ce qui ne l'est pas, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le siècle dernier. Avant ça, honnêtement, on voyait plus ou moins que ce qu'on pouvait voir. Ah, bien dit ça. C'est pas mal, mais il va falloir progresser. C'est-à-dire que on voyait comment se meuvent les objets autour de nous grâce à la lumière. À la fin du 19e siècle, il y a déjà eu une première révolution. C'est un monsieur qui s'appelle Maxwell qui a déterminé quelles étaient les lois qui gèrent la lumière, c'est-à-dire les lois de l'électromagnétisme. Et il a découvert, par exemple, que dans l'électromagnétisme, il y avait des ondes qu'on peut voir, qu'on appelle la lumière, et des ondes qu'on ne peut pas voir, qui sont les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, etc., que nos yeux ne sont pas faits pour voir. Donc tout d'un coup, on savait qu'il existait tout autour de nous une quantité colossale d'informations que nos yeux ne sont pas capables de percevoir. Ça a donné des télescopes, ça a donné les postes radio, ça a donné les télévisions, toutes ces choses-là. Ce sont des ondes qu'on ne peut pas voir. Nous sommes entourés d'invisibles. Mais cet invisible, il a un impact sur le visible. D'accord. Alors justement, à propos de la lumière, je crois que Léon Bonafé a quelques phrases à nous lire, peut-être même moins que quelques phrases. Oui, non, mais voilà, pour une fois, je vais un peu commencer peut-être avec la question qui fâche, avec Prévert, les amoureux trahis. Moi, j'avais une lampe, et toi, la lumière. Qui a vendu la mèche ? Christophe Galfard, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais il faudrait quand même que vous répondiez à cette question. Alors, tout à l'heure, vous parliez de cet automobiliste qui cherche son chemin pour Dublin. Moi, je vous parlais du même automobiliste qui finalement va vers Dublin et sort au milieu de la nuit parce que voilà, il doit faire quelque chose et revient dans sa voiture et réalise qu'il a perdu les clés de sa voiture. Et il se trouve qu'il y a un lampadaire autour de la voiture, à 250 mètres de la voiture. Et il passe 2 heures à chercher la clé sous le lampadaire. Quelqu'un passe et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche ma clé, vous voulez pas m'aider? Vous l'avez perdue ici? Ah non, pas du tout, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Vous êtes en train d'expliquer que c'est ainsi que vous travaillez. Oui. Donc je comprends mieux pourquoi on ne sait pas tout sur l'univers. On n'a pas le choix. On est bien obligé de commencer par regarder là où on peut voir quelque chose. Et c'est à partir de là qu'on essaie de déduire ce qu'on ne voit plus tout autour. C'est un jeu de l'esprit qui est absolument extraordinaire. On a quelques bribes du puzzle. On a quelques pièces minuscules qui sont là. Et rien qu'avec ces pièces-là, on arrive à découvrir un univers qui est colossal, qui est truffé de matière connue et inconnue, d'énergie éventuellement connue et inconnue aussi. On réalise que potentiellement tout ce que l'humanité a étudié depuis le début de l'humanité ne correspond qu'à à peu près même pas 4-5% de notre univers, et les autres, on n'a absolument aucune idée de ce que ça pourrait bien être. Je sais que vous aimeriez bien qu'on parle un petit peu de ça, donc j'introduis le sujet. Mais avant, je vais vous parler d'un philosophe qui s'est intéressé à la relativité générale, et à beaucoup d'autres sujets scientifiques, qui est Gaston Bachelard. Il a eu cette formule que je trouve géniale. On parle désormais de l'univers d'Einstein, ou bien de celui de Dossiter, ou bien de celui d'Eddington. L'univers est devenu un brevet d'ingénieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est vraiment une affaire d'ingénieur au sens où, dès lors qu'on a les bonnes équations, en l'occurrence celle d'Einstein, on peut calculer les propriétés propres, si j'ose dire, de l'univers? Ouais, c'est amusant, surtout cette idée de brevet, parce que s'il y a bien un domaine humain dans lequel il n'existe pas de brevet, c'est bien la physique théorique. On ne peut pas... Oui, mais il y a des modèles qui portent le nom de ceux qui les ont conçus. Exact. Dans l'idée, les équations d'Einstein, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous dit à quoi devrait ressembler un univers. C'est-à-dire que autour d'un objet, il devrait y avoir telle géométrie. Et l'idée, Einstein lui-même se pensait que ce serait extrêmement compliqué de trouver une solution à ces équations. En gros, c'est une équation dont les solutions sont des univers possibles, qui répondent à son équation. De Sitter a trouvé une solution, Schwarzschild a trouvé une solution qui correspond au trou noir, c'est la première qui a été trouvée. Il y en a d'autres qui ont trouvé des solutions qui nous donnent des propriétés potentielles d'univers. Alors là, on arrive peut-être sur des choses qui sont assez profondes, sur la valeur d'une théorie. À quoi est-ce qu'elle correspond? Est-ce que la science, c'est découvrir la vérité qui est autour de nous? Est-ce que la science correspond à aider notre esprit à conceptualiser des choses qui sont au-delà de notre sensible? Moi, je le verrais plutôt comme ça. Je le verrais plutôt, la science, je la vois plutôt comme une sorte d'échafaudage intellectuel, potentiellement, qui nous permet d'appréhender la réalité qui est autour de nous le mieux possible. Lorsqu'on a des modèles d'univers tels ceux de Sitter et autres, on a des bases pour penser. C'est extrêmement compliqué de penser l'univers en entier. Heureusement, il y a des maths qui sont là, qui nous permettent, à défaut de visualiser, du moins de manipuler des concepts qui autrefois étaient l'apanage des philosophes. Alors dans les choses que vous savez, il y en a beaucoup, Christophe Galfard, laquelle vous impressionne le plus? Laquelle, en la regardant, en l'étudiant, vous dites, tiens, c'est quand même incroyable qu'on ait réussi à faire cette découverte. Récente ou moins récente? Alors, en découverte qui soit actée, disons, on va dire où il y a consensus. Je dis pas que ce sera pas faux dans 1000 ans, mais en tout cas pour laquelle il y a consensus aujourd'hui, ne serait-ce que l'idée que notre univers a une histoire. Cette idée de Big Bang. Cette idée que l'univers tel qu'on le connaît n'a potentiellement pas toujours existé. Cette idée que notre univers, la réalité, évolue elle-même, que l'espace et le temps ne sont pas les mêmes partout. Je trouve ça absolument fondamental. C'est quelle époque, ça? Ça, c'est à peu près 100 ans, c'est Einstein. Vous n'étiez pas né, donc... Non, c'est pas Einstein, c'est un peu après Einstein, c'est après la relativité générale. Lui-même croyait que l'univers était stationnaire. Exact. Oui. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'occasion où vous avez compris cela, où vous en avez entendu parler pour la première fois? Non, alors ça c'est une autre question, quelque chose d'émotionnel. La première fois que j'ai fait moi-même le calcul pour Mercure, la façon dont Mercure tourne autour du Soleil, et que j'ai réalisé que ça marchait, que ça tombait, c'était vrai. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Mais comment des calculs permettent de rendre compte de d'observations qui jusque-là étaient incomprises. C'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a une sorte de... Jusqu'à il y a peu, alors peut-être que vous saurez mieux que moi quand il y a eu ce changement, mais jusqu'à il y a peu de temps, par rapport à l'âge de l'univers, hein, donc c'est pas très précis nécessairement, mais jusqu'à il y a peu de temps, on avait d'abord une sorte de problème expérimental, quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer, et du coup tout le monde se grattait la tête, les théoriciens, pour essayer de comprendre pourquoi les choses se comportent de telle manière. Bon, ben, depuis au moins les années 70, même avant, même depuis le début du 20e siècle, la théorie a parfois pris les devants. C'est-à-dire que il y a des équations mathématiques qui prédisent l'existence d'une planète, qui prédisent l'existence d'une particule, qui prédisent que notre univers a une histoire et que telle conséquence devrait être détectable. Et il se trouve que les particules ont été trouvées, les planètes ont été trouvées, les conséquences de l'évolution de notre univers ont été détectées. Et on est, je pense, dans une sorte d'enfance de la science, parce que c'est pas très vieux, dans laquelle, finalement, cet extraordinaire terrain de jeu qu'est notre univers, rempli de mystères, nous offre des potentiels qui sont hallucinants. Christophe Balquet, Calfar, je vous sens un peu enthousiaste. Alors, on va tempérer votre emballement avec Léon Bonafé, qui a trouvé un petit poème qui date du 18e siècle, qui a été écrit par Louis-Sébastien Mercier, et qui s'intitule « Satire contre les astronomes ». Voilà. Ils ont fait du soleil une fournaise ardente, dévorant la comète ou la planète errante. Ils ont déménagé le grand astre du jour, l'enfonçant dans les cieux, l'attirant tour à tour. Les globes ont pesé sur un centre de flamme, et ce centre inconnu de l'univers est l'âme. Le soleil est plus froid que vos esprits glacés, astronomes. Quittez vos rêves insensés, vous embrassez le ciel avec des yeux de myope, où finit le pouvoir de vos longs télescopes. Votre règne est passé, géomètre jongleur, et le bon sens se rit des chiffres imposteurs. Mais vous éternisez de risibles disputes pour calculer au juste en combien de minutes du soleil la lumière est transmise à vos yeux. Elle nous vient en poste, et le coursier fougueux, et le boulet rapide, et l'éclair qui nous tue, près d'un vol calculé, n'est pas que de tortue. Le nom de Copernic, les noms de Cassini, ont-ils su, dites-moi, maîtriser l'infini? Quand pour l'objet réel, vous prenez l'apparence, comment décidez-vous la grandeur, la distance? L'organe de la vue a ses bornes, je crois. Avant tous vos calculs, la physique a ses lois. Enfin, qui me dira que votre astronomie brillera plus un jour que vieille astrologie? Merci Léon Bonafé. Vous y allez un peu fort quand même. C'est pas lui, hein. On l'a choisi. On l'a choisi ensemble à dessein parce que il pose quand même des questions intéressantes. Il dit, vous embrassez, vous les astronomes, vous embrassez le ciel avec des yeux de myope où finit le pouvoir de vos longs télescopes. Qu'est-ce que vous pourriez lui rétorquer? Qu'il y a autre chose que la lumière pour sonder l'univers? Depuis peu d'ailleurs. Les ondes gravitationnelles. Il y a un petit peu de ça. Mais la lumière elle-même, elle est indépendante de ce que nos yeux peuvent en percevoir, d'une certaine manière. La façon dont un atome va rayonner de la lumière, que notre œil la détecte ou non, ça va transmettre une sorte d'information sur l'atome. Il se trouve que par des prouesses, on a réussi à détecter ces émissions-là, par nos yeux, par des détecteurs qu'on a construits. Et du coup, mais il y a plusieurs choses. Je peux répondre plus franco à cette à ce poème. Alors, premièrement, c'est pas Copernic. Cette émission se radicalise. Effectivement, c'est pas Copernic qui a réussi à conceptualiser l'infini, c'est Cantor. Mais ça, c'est un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai une petite phrase de il y a un de mes scientifiques préférés qui s'appelle Paul Dirac. Paul Dirac est quelqu'un d'absolument extraordinaire et complètement bizarre. Et c'est lui qui a découvert l'antimatière, etc. Et quasiment tout ce qu'on sait en physique quantique aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé. Et il paraît que voilà, il était sur un bateau avec un autre scientifique et il entend dire que cet autre scientifique écrit des poèmes. Et Dirac va le voir en lui disant, mais c'est pas possible, comment vous faites pour écrire des poèmes? La poésie, c'est essayer de rendre compliqué ce que tout le monde sait. Alors que la science, c'est essayer de rendre simple ce qui est compliqué. Donc il y a quelque chose de voilà, je rétorquerai ça déjà à ce poème et toc. Et ensuite, oui, on est myope. C'est vrai, on est myope, on voit rien, on ne sent rien, on est tout petit, on est minuscule par rapport à l'univers, on est gigantesque par rapport à la physique, au monde quantique. On flotte entre deux infinis, si vous voulez. Ça a déjà été dit, ça. Aujourd'hui? Non, par Blaise Pascal. Donc c'est un plagiat. Ah. Alors, je vais mettre des guillemets. Attention. Je vais mettre des guillemets. Mais je vais citer Pascal alors. Oui, c'est ça. Ce n'est pas n'importe qui que je dois chercher. Peu importe, il faut mettre des guillemets. Je vais mettre des guillemets. Alors, attention. Guillemets. On flotte entre deux infinis. Ça, c'est une adaptation. Et de notre petit coin de réalité, on a découvert des mystères et des beautés que aucun de nos ancêtres ne pouvait même imaginer. J'imagine justement, Christophe Galfa, que vous avez suivi avec attention la découverte, la détection plutôt, un siècle après leur prédiction par Einstein, des ondes gravitationnelles. Est-ce que ça change la cosmologie? Est-ce que vous attendez d'elle des informations que la lumière justement ne pouvait pas nous donner? Alors, faut minimiser l'impact de la découverte récente des ondes gravitationnelles, parce que ça on le savait déjà. C'est quand même un prix Nobel. Oui, mais on savait que les ondes gravitationnelles existaient, c'était déjà un prix Nobel en 1983. C'était pas une détection directe. Exact. Ce qui a valu le prix Nobel à nos amis à nos amis. Nos amis. Nos amis. Tous nos amis ont le prix Nobel. ce qui leur a valu le prix Nobel, c'est la fabrication du détecteur. C'est qu'on a un nouvel outil. Les ondes gravitationnelles, on savait déjà qu'elles existaient, il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Mais là, on a tout d'un coup un outil qui nous permet de voir l'univers avec autre chose que de la lumière. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a ça. Et là, pour le coup, si on veut faire un parallélisme avec Galilée, avant Galilée, on n'avait que nos yeux comme ça pour voir. Galilée, il a pointé son télescope vers les étoiles et les lunes. Et il a vu que Jupiter avait des lunes, donc des objets qui tournent autour de Jupiter, que la lune, notre lune à nous, avait des cratères, donc que tout n'était pas parfaitement sphérique dans le reste de l'univers. Tout ce qui était... Mais c'était la même source d'information. Lunette ou pas, c'est de la lumière. Exact. Alors que là, on a une nouvelle source d'information. J'allais le dire. Non, pas tout de suite. Bon, j'avais quelque chose avant. Ok, allons-y. Qui est que 300 ans même plus tard, Maxwell est arrivé par là. Et au lieu de ne capter que la lumière visible, on s'est mis à capter de la lumière invisible. On s'est mis à capter, à voir de la matière qu'on ne pouvait pas voir avant. On s'est mis à détecter des choses dans notre univers qui étaient imperceptibles. On a, grâce à ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que grâce à la lunette de Galilée, on a réalisé que la Terre n'était pas au centre de l'univers, on a réalisé qu'éventuellement les lois étaient universelles, etc. Là, on est au début d'une nouvelle détection. La première chose qu'on a détectée avec ces ondes gravitationnelles, c'est deux trous noirs qui se rendent dedans. Bon. Ben ça, on se doutait peut-être que ça existait, mais on n'en avait jamais vu, et on savait pas du tout si ça marcherait en pratique. Bon, il se trouve que ça marche. Maintenant, on a trouvé deux étoiles à neutrons qui se rendent dedans. Ce qui nous donne une explication sur l'origine de cet or que vous avez peut-être dans vos bijoux sur vous. On ne savait pas réellement d'où venait l'or qui existe sur Terre. Là, on a peut-être une réponse à ça. Ça ne fait que un an et demi, ou un peu plus, deux ans, et on est au début de ce genre de détecteur. Donc, dans X années, on arrivera peut-être à remonter jusqu'aux premiers instants de l'univers grâce à ces ondes-là. On ira peut-être voir ce qui se passe encore plus proche des trous noirs et ça nous éclairera sans lumière sur des concepts qui n'étaient jusqu'ici pas accessibles. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Paul Dirac, ce physicien britannique qui a prédit grâce à une équation l'existence des antiparticules, donc de l'antimatière. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'antimatière? Est-ce qu'il y en a ailleurs que dans les laboratoires on en fabrique? Est-ce qu'il y en a dans le rayonnement cosmique? J'ai lu que nos corps émettaient des antiparticules, 4000 par seconde, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? L'antimatière, c'est pas du tout un souci, en fait. Contrairement, j'espère que vous ne considérez pas que c'est un souci. Ça a pas l'air de soucier grand monde, mais moi je connais des physiciens qui sont très très cassés par cette question parce qu'ils se demandent pourquoi il y en a plus dans l'univers. Alors qu'il y en avait au départ. Dirac, une fois de plus, ça part de maths. C'est quelque chose qui est complètement hallucinant. Il part de maths et de principes. Et il se dit, la matière devrait obéir à telle équation. Il l'a pas fait au pif en sortant de son chapeau, il a réfléchi, il s'est dit qu'il y avait certaines propriétés qui devaient exister, et ça devrait obéir à telle équation. Mais s'il a raison, cette équation prédit que pour chaque matière qui existe, que ce soit un électron, un neutron, tout ce qui existe dans vos corps, il existe son anti-soi. Et anti, ça veut pas dire quelque chose de bizarre. Antimatière, ça ne veut pas dire quelque chose de bizarre. Toute la matière, enfin une partie de la matière qu'on connaît, a une certaine masse et une charge. Par exemple, la charge électrique, plus ou moins. Bon ben, l'antimatière, c'est exactement la même chose que la matière, sauf que la charge, c'est l'inverse. Si c'était plus, si c'était moins, par exemple, pour l'électron, ça devient plus pour l'anti-électron, etc. Bon ben, effectivement, cette matière-là, on en a découvert l'existence dans l'année qui a suivi. Anderson, un scientifique américain, a vu de l'antimatière autour de nous, et donc on sait que ça existe. Aujourd'hui, c'est pas un souci dans le sens où on en fabrique tous les jours dans les accélérateurs de particules. Et à chaque fois que vous avez une désintégration radioactive, comme il se trouve que ce que Étienne disait, il y en a en vous en ce moment des désintégrations radioactives. Vous êtes ici aussi pour avoir des bonnes nouvelles comme ça. Ces désintégrations radioactives émettent de l'antimatière, donc vous émettez effectivement de l'antimatière. Il faut être précis, sinon ça va créer des angoisses. Mais dans notre corps, il y a un squelette dans lequel il y a du potassium 40 qui a été fabriqué dans une étoile il y a des milliards d'années et il continue de se désintégrer. Et les quantités sont telles qu'il y a 4000 antineutrinos qui sont émis à chaque seconde. C'est comme ça que vous enlevez les angoisses des gens? Non, mais les antineutrinos, c'est pas dangereux, ça traverse la matière. Et donc, on est en train de s'arroser mutuellement de façon très démocratique, puisque ça ne dépend que... C'est à peu près la même quantité pour chacun d'entre nous. Ça dépend que la taille du squelette. Les gros n'émettent pas plus que les maigres. Très bien. Ni les hommes que les femmes. Si, le squelette est un peu plus grand pour les hommes en moyenne. Donc désolé mesdames, on vous arrose un petit peu plus. Mais le soleil nous rattrape tout ça parce que le soleil en neutrinos, il traverse. Le soleil émet des neutrinos qui vous traversent là, vous maintenant, par centimètre carré de votre peau. Il y a à peu près 50 milliards de neutrinos qui vous traversent par seconde. Donc si vous êtes hypochondriaque, j'imagine que vous les sentez. Sinon normalement on ne les sent pas. Christophe Galfard, vous avez dit du mal de la poésie. Pour vous punir, Léon va lire un poème de Victor Hugo que j'ai brièvement cité tout à l'heure. L'océan d'en haut. L'univers, c'est un livre. Et des yeux qui le lisent, ceux qui sont dans la nuit ont raison quand ils disent « rien n'existe ». Car c'est dans un rêve qu'ils sont. La matière n'est pas. Et l'âme seule existe. Rien n'est mort, rien n'est faux, rien n'est noir, rien n'est triste. Personne n'est puni, personne n'est banni. Tous les cercles qui sont dans le cercle infini n'ont que de l'idéal dans leur circonférence. Astres, mondes, soleil, étoiles, apparences, masques d'ombre ou de feu, faces des visions, globe, humanité, terre, création, univers où jamais on ne voit rien qui dorme, point d'intersection du nombre et de la forme, choc de l'éclair puissance et du rayon beauté, rencontre de la vie avec l'éternité. Ô fumée, écoutez, et vous, écoutez, âme, qui seule resterait étant souffles et flammes, esprit pur qui mourait et naissait tour à tour. Dieu n'a qu'un front, lumière, et n'a qu'un nom, amour. Je tremblais, comme si, prêt à changer de forme, j'eusse été foudroyé par un baiser énorme. La clarté flamboyait, transparente et debout. Et je criais, « Lumière, ô lumière, est-ce tout ?» Et la clarté me dit, « Silence, le prodige sort éternellement du mystère, te dis-je. Aveugle qui croit lire et fou qui croit savoir. » Et je vis au-dessus de ma tête un point noir. Merci Léon Bonafé. Me dites pas, Christophe Galfard, que vous êtes insensible à ce texte. Non, quand même. Hugo passe. Et je criais, lumière, ô lumière, est-ce tout ? Qu'est-ce que vous répondez ? Ça, c'est exact, ce n'est pas tout. Mais moi, c'est la première phrase que j'adore. C'est, l'univers, c'est un livre et des yeux qui le lisent. Il y a quelque chose d'extraordinairement quantique dans cette phrase. Dans notre compréhension aujourd'hui, ou notre incompréhension aujourd'hui de la matière dont nous sommes faits, il y a cette idée que les choses ne deviennent ce qu'elles sont que dès lors qu'on essaye de les regarder ou de les détecter. qu'avant ça, la nature même de la matière n'est pas du tout celle qu'on pense ou celle qu'on croit. Qu'il y a une interaction entre le regardé et le regardant. Que l'univers devient parce qu'il est regardé. Il y a quelque chose d'assez troublant dans cette idée. C'est une grosse interrogation de la physique quantique sur la mesure. Ça s'appelle le problème de la mesure. On ne sait pas comment les choses deviennent ce qu'elles sont. Jusqu'à maintenant, on a parlé de relativité générale, théorie de la gravitation faite par Einstein. Et là, vous nous parlez d'une autre physique, la physique quantique, qui est apparue un peu après, qui est une œuvre collective à la différence de la relativité, et qui permet de comprendre le comportement des particules élémentaires, et qui pose des tas de questions comme celles que vous évoquez. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mesure sur une particule, par exemple? Mais en quoi c'est un problème qui est deux physiques comme ça différentes? A priori, il n'y a aucun problème. Quand on regarde autour de nous, quasiment tout ce qu'on peut voir ou vivre correspond à ce que Newton avait décrit. Donc ça, c'est facile. Après, si on va dans le trop grand ou le trop énergétique, il faut qu'on utilise Einstein, qui nous a expliqué comment l'univers se comporte dès qu'il y a énormément d'énergie ou dès que c'est très grand. Et puis quand on est dans le très petit, plus petit que Newton, etc., c'est un autre domaine encore qui s'appelle celui effectivement de la physique quantique. A priori, ces deux théories, pour le très grand, la gravitation d'Einstein, et le très petit, la physique quantique, sont des théories. On n'a jamais eu des théories qui marchent aussi bien. Jamais. Le degré de précision de leurs prédictions est phénoménal. Ça fonctionne. Donc on se dit, c'est pas très grave, on a deux théories. Et tant qu'on a deux théories comme ça, une pour le très grand, une pour le très petit, c'est pas trop un problème. Sauf que les deux n'ont pas les mêmes notions d'espace et de temps. Les deux n'ont pas la même vision de ce qu'est la réalité. Et en particulier l'espace et le temps. A priori, tant qu'elles sont séparées, le très grand d'un côté, le très petit de l'autre, on s'en fiche. C'est des techniques. Une technique peut-être qui nous permet d'appréhender le grand, une autre qui nous permet d'appréhender le petit. Le problème, ce serait si jamais il y avait dans notre univers quelque chose qui serait à la fois grand et petit en même temps. Et il se trouve qu'il y en a. Il se trouve qu'il y a les trous noirs. Et le Big Bang, l'origine de notre univers. Le trou noir, c'est quelque chose de très grand, comme une étoile, qui est devenu tout petit en s'effondrant sur lui-même à cause de la gravitation. Donc on a le très grand qui devient très petit. Et le Big Bang, c'est l'univers visible en entier qui se rétrécit pour redevenir extrêmement petit. Donc dans les deux cas, on a du très grand qui devient très petit. Et on a deux théories qui ne se parlent pas, qui n'ont pas la même notion d'espace et de temps, qui prédisent dès qu'on les met ensemble des infinis partout, des trucs qui ne marchent pas du tout et qu'on n'aime pas. Le Graal peut-être de la physique théorique d'aujourd'hui, c'est de trouver une théorie qui unit ces deux visions de notre réalité en une seule. Mais quand on part du très grand, de l'univers tel qu'il est observable, qu'on remonte le cours du temps dans les calculs, jusqu'où on peut aller avec des calculs qui sont physiquement et mathématiquement justes à partir des équations d'Einstein? Alors, j'aime bien cette question parce que dans les mathématiques des équations d'Einstein, il y a cette humilité qui transparaît, qui dit les équations elles-mêmes nous disent au bout d'un moment, ah là, il y a trop d'énergie, ce n'est pas la peine d'essayer de m'utiliser, je ne dirai que des bêtises. On ne peut plus croire en ce que je dis. Il y a quand même qu'on dit des bêtises à ce sujet. Puisque le Big Bang, il est souvent présenté comme un événement ponctuel avec une densité d'énergie infinie. Or, les équations disent justement, c'est pas possible. En tout cas, les équations s'arrêtent avant qu'on atteigne ce point-là. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette mauvaise conception de ce qu'on pourrait appeler le Big Bang. Le Big Bang lui-même, on pourrait dire que c'est, si on veut une définition, on pourrait dire que c'est lorsqu'on revient en arrière en utilisant la gravitation d'Einstein, le moment où espace et temps ne font plus sens. Ça ne sert à rien de continuer, ça ne marche plus. C'est une définition, je dis pas que c'est la seule. C'est une définition. Une théorie du Big Bang, c'est une théorie qui dit que l'univers a commencé petit et qu'il a grandi. Il n'y a pas de réponse par rapport au point initial. En tout cas, ce qu'on sait par rapport au savoir d'aujourd'hui, c'est que si on veut répondre à cette interrogation initiale, il nous faut une autre théorie. Et encore, c'est même pas sûr. Cette théorie de physique, de gravitation quantique. Et encore, c'est même pas sûr. Je peux rajouter quelque chose? Absolument, on est là pour ça. Mais est-ce que, bien que ce soit pas ce point-là qui corresponde à l'origine de l'univers, est-ce que dans ces théories à l'ébauche, on garde l'idée d'une origine ou est-ce que la question « l'univers a-t-il une origine » est encore une question qui se pose, en fait. Elle s'oppose absolument, complètement. Il n'y a absolument pas de réponse à cette question-là. Et pourquoi on dit toujours « il y a une origine de l'univers » ? On dit ça ? On dit souvent « il y a une origine de l'univers, il faut trouver laquelle ». Et à chaque fois que quelqu'un nomme l'origine de l'univers, il produit une phrase qui me semble contredire l'idée qu'il y a une origine. On dit par exemple l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela. Ceci ou cela pouvant être le vide quantique, une collision de trous noirs, une branle ou je ne sais quoi. Sans voir que cette phrase contredit l'idée d'origine. Parce que si cette chose, qui est en amont de toutes les autres, a toujours été là, ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose et donc que l'univers n'a pas d'origine. Il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ce qui veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas, c'est pas l'origine. Donc, on peut parler de l'origine de l'espace et du temps tel que nous on les comprend aujourd'hui. Mais cette origine sera décrite comme une histoire, comme une sorte de généalogie, et non pas comme un instant zéro en amont duquel il y aurait le néant. Alors, pas si sûr que ça. Allons-y. J'ai vu un chapitre dans votre livre dans lequel vous dites pour les physiciens, il y a trois sortes de mystères. Exact. Alors, c'est quoi ces mystères ? C'est trois sortes de mystères. Mais il y a les mystères expérimentaux, disons, où ça ne correspond pas tout à fait à la théorie. Il y a les mystères... C'est plutôt des problèmes, ça. Des problèmes. On espère les résoudre. Oui. Donc, c'est pas vraiment des mystères. Pareil pour la théorie. Il y a les mystères théoriques. Mais de toute façon, un mystère dépend de l'époque à laquelle il est énoncé. Un mystère, il y a 100 ans, n'est peut-être plus un mystère aujourd'hui, disons un problème, si vous préférez. Il y a peut-être des questions métaphysiques, justement, qui seront pour toujours des mystères. Oui, ça c'est tout à fait possible. Mais justement, pour répondre à cette... Le troisième type de mystère, c'est ceux où on ne comprend rien, ni expérimentalement, ni théoriquement. On est là pour ça. Et celui-là, c'est celui qui est intéressant. C'est celui où on se marre. Parce que là, on a le droit d'imaginer absolument n'importe quoi. Et justement, à partir de cette idée d'imaginer n'importe quoi... On fait quoi par rapport à l'origine de notre univers? Comment est-ce qu'on peut essayer de penser l'origine de notre univers? On a une théorie qui marche extrêmement bien, la gravitation d'Einstein, jusqu'à un certain point. On a la physique quantique, la théorie des choses toutes petites, qui marche extrêmement bien aussi jusqu'à un certain point, tant qu'il n'y a pas beaucoup de gravitation. Bon, pour essayer de relier les deux, il y a un souci quelque part. La première fois, alors corrigez-moi si vous avez d'autres infos, mais je crois que la première... Oui, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des lois dans la nature. La découverte de ces lois, même la découverte des lois de la gravitation quantique, ne veut pas dire qu'on saura quelle est l'origine de notre univers. Lorsque vous essayez de faire un calcul sur quelque chose, par exemple, si je lance un verre pour savoir où il va tomber, il faut que je sache d'où est parti le verre. Et à partir de là, je peux utiliser les équations de Newton. Et bien, pour notre univers, c'est pareil. Il nous faut découvrir des lois qui nous explique son évolution, mais il faut qu'on sache d'où on part. Une condition initiale, ça s'appelle comme ça. Et contrairement au verre, où je peux essayer 50 000 conditions initiales et voir comment ça fonctionne, l'univers, on n'en a qu'un. En tout cas, a priori, aujourd'hui. On n'en a qu'un. Et du coup, cette condition initiale, c'est quelque chose qu'on doit donner a priori. Personne ne s'était lancé dans cette tentative jusqu'à 1983, où deux professeurs, Jim Hartle et Stephen Hawking, un à Santa Barbara aux États-Unis et l'autre à Cambridge en Angleterre, ont proposé une condition initiale pour notre univers. Une formule mathématique qui correspondrait à l'origine, l'instant initial. Alors, il y a quelque chose de métaphysiquement extraordinairement fort dans cette prouesse. Je ne dis absolument pas que c'est la solution, mais ça a fait rentrer cette question métaphysique d'une origine dans le domaine de la physique et des mathématiques. C'est ça qu'on appelle la théorie de l'univers sans bord ? Oui, tout à fait. Alors ça consiste en quoi, de dire qu'il n'a pas de bord ? On va rentrer. Mais vous êtes très fort, non ? On peut rentrer dans de la technique un peu. D'accord. Quand on revient en arrière, on arrive à un moment, comme on le disait tout à l'heure, où les équations d'Einstein ne fonctionnent plus, l'espace et le temps, tels qu'on les connaît nous, ne s'appliquent plus. Bon, ben là, par une sorte de truc mathématique, on crée une nouvelle direction dans le temps, qui s'appelle un temps imaginaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu ça, c'est un nombre complexe, où on tourne le temps, on le fait aller dans une autre direction que le temps dont on a l'habitude, nous. Et lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a tourné le temps dans une autre direction, on peut déterminer des formes à notre univers avant que l'espace et le temps n'existent. Et l'idée de Hartle et de Hawking, c'est de prendre comme condition initiale tous les univers qui donne le nôtre, mais qui au départ n'avait pas de bord, pas de frontière, quoi que ce soit, dans cet espace étrange où le temps est devenu imaginaire. Mais est-ce que c'est pas une technique un peu ad hoc pour supprimer la question de l'origine, justement? Si. Pour s'en débarrasser. Peut-être, mais c'est... Et ça pose aussi la question de savoir si les lois, admettons que l'univers ait une origine, une vraie origine, c'est-à-dire qu'il était précédé par rien, est-ce que les lois physiques étaient déjà là ou est-ce qu'elles sont apparues après l'univers pour mettre de l'ordre dans ce qui était chaotique? Un peu comme on le fait dans nos sociétés. On crée des lois parce que certains phénomènes exigent qu'il y ait une régulation. Alors ça, j'ai une réponse assez précise à ça, je n'en sais fichtre rien. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Donc là, on a vraiment un mystère qui est la question du statut des lois physiques. Exact. Est-ce qu'elles sont immanentes? Est-ce qu'elles sont transcendantes? Est-ce qu'elles sont le résultat d'une évolution? Ou est-ce que c'est à partir d'elles qu'on peut penser la question de l'origine? Alors il y a certains courants de pensée par rapport à cette question qui supposent, et c'est des courants de pensée scientifiques, hein, de physique théorique, qui voient dans leur calcul apparaître un nombre potentiel d'univers différents colossal. Des univers qui varieraient d'un univers à l'autre juste par des petites lois qui seraient un petit peu différentes. C'est ce qu'on appelle les multivers. Ou la théorie des cordes, disons, des multivers, ou voilà, des univers qui seraient différents d'une autre, effectivement. Et comment espérez-vous être pris au sérieux? Alors, en racontant cela, convaincre qu'il existe 10 puissance 500 univers avec des lois un peu différentes des nôtres, avec lesquelles notre univers n'est pas connexe et qu'on n'a aucun moyen de connaître par des détections quelconques. Loin de moi l'idée de convaincre. Je dis juste que voilà, dans certaines visions de ces théories-là, il y a, comme vous l'avez dit, 10 puissance 500. C'est beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup, voyez, oui. C'est vraiment beaucoup. Univers potentiel qui serait autour de nous, chacun d'entre eux ayant des lois différentes. Et c'est juste pour répondre à votre question. En admettant que ce soit le cas, alors notre univers à nous n'est plus si étrange. Dans le sens où toutes les lois potentielles et imaginables existent, et nous on ne vit que dans celui où on a pu apparaître. Mais ils sont tous différents. Donc la probabilité qu'un autre univers accueille une émission de France Culture qui s'appellerait La Conversation Scientifique au même moment qu'ici, elle est nulle, non? Ben, ça dépend parce qu'il y a des univers cycliques. Et donc dans tous ces je dis ça pour les gens qui écoutent, il faut profiter de cette unicité cosmique qui se déroule en ce moment au théâtre de l'Odéon. Alors, je mets un petit bémol parce que certains univers sont cycliques, donc les choses se répètent à l'infini. Donc cette émission a déjà été enregistrée une infinité de fois. Ouais. Et vous avez... C'est votre côté un peu gâteux qui se manifeste là. On n'a pas parlé du vide, ça m'étonne. Ah. Est-ce que le vide est vide et en quoi est-ce qu'il se distingue du néant? Finalement, il y a trois mots presque synonymes. Le vide, le néant, le rien. D'ailleurs, quand on les met l'un derrière l'autre, avec le pronom personnel je devant, ça fait un truc bizarre. Je n'ai envie de rien, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Le vide, c'est quoi? Alors le vide, c'est éventuellement, je peux en parler, le néant et le rien, j'ai beaucoup plus de mal. Mm-hmm. Commençons par le vide alors. Commençons par le vide. Le vide, si... Lorsque vous prenez une pièce, par exemple, comme ici, et que vous videz cette pièce de tout, on pourrait dire qu'il ne reste rien. Eh ben non, il reste le vide. J'ai déjà parlé des deux. C'est déjà pas mal. Ensuite, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Donc ça veut dire que le vide n'est pas rien. Non, le vide n'est pas rien. Ça, c'est vrai. Ça vous va comme réponse? Et, alors, comment expliquer ça? Vous avez cette fameuse physique quantique, qui est la façon dont on explique ou comprend, ou disons, ou comprend pas d'ailleurs, le monde minuscule. Et dans cette physique quantique, Dirac nous a appris qu'il existe qu'une façon de voir le monde quantique, c'est de se représenter que l'univers est rempli de quelque chose qu'on appelle un champ. Un champ, c'est quelque chose qui a une valeur partout. C'est entre vous et moi, entre moi et le micro, entre la lumière. Il y a une valeur partout. Et quand vous enlevez tout, il reste ce champ, ces champs, qui correspondent un petit peu à toute la matière qui existe, au niveau le plus bas. À l'énergie la plus basse. Sauf que cette énergie, elle n'est pas zéro, parce que le zéro n'existe pas en physique quantique. Il y a toujours des petites fluctuations. Donc même là où il n'y a rien, il y a quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle le vide en physique quantique. D'ailleurs, en gravitation, le vide n'existe pas non plus, parce que vous enlevez tout, il reste tout de même l'espace et le temps. Donc on a cette notion de... Donc la notion de vide dépend de la théorie qu'on choisit comme référence. En tout cas, oui. Mais et les deux, par exemple, en tout cas, en physique quantique, le vide quantique qui n'est pas rien, ça a été prouvé expérimentalement. Il y a une expérience faite par un monsieur qui s'appelle Casimir, qui n'est pas tout orange, mais c'est lui. Il y a un monsieur qui s'appelle Casimir qui a démontré que vu qu'il n'y a pas rien dans le vide, eh ben du coup, il peut y avoir des vides différents. Et s'il peut y avoir des vides différents, eh ben le vide peut exercer une force sur quelque chose. Et ben ça s'appelle l'effet Casimir, et ça on le voit dans les expériences qu'on fait tous les jours. Le vide peut avoir une influence sur quelque chose. D'ailleurs, on peut voir comme ça l'évaporation des trous noirs. Ça c'est envoyé. Bon, Léon, oui. Sauvez-nous, lisez-nous quelque chose qui nous ramène dans le monde que nous connaissons. Oui, on sonne. Cher univers, tu m'étonnes. Tu dis blanc, mais tu dis noir. Excuse-moi car on sonne. Oui, j'y cours, j'y vais voir. Me revoici, que disais-je? Ah oui, je comprends bien mal ton feu froid, ta chaude neige et tes trois règnes en halle. Ah pardon, mais l'on sonne encore. Une seconde, j'arrive. Elle insiste, la pécore. Attends-moi. Tiens, prends ce livre. Ouf. Bon, tu répondais, je crois, que l'habitant de la lune... Je parlais de croix. De croix. Ah oui, tu parlais de prune. Mais je ripostais cependant. Oh, tonnerre ! Encore la sonnette. Je disais le mal aux dents. Non, je disais l'alouette. Ces escaliers me tueront. Tu réponds, ta voie lactée, tes soleils et tes nuitées, que tout ça tourne assez rond. Bien. Bon, c'est joli à voir. Mais pour nous, c'est du spectacle. Si tu crois nous émouvoir, nous renaclons. Je renacle. Je te parle chien et chat. Je te parle messieurs dames. Vie et mort, amour, crachat. Je te parle corps et âme. Tu Dieu, la sonnette encore. Mais qui sonne? La mer? L'azur? Les siècles? Nise? Un centaure? Mais on sonne, c'est bien sûr. On sonne. On sonne. On ressonne. Univers, excuse-moi. Tu disais chaud, je dis froid. J'ouvre. Et je ne vois personne. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Christophe Galfard, on arrive près de la fin de cette émission. Alors, vous parliez tout à l'heure des contradictions formelles entre la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit et la gravitation générale, la relativité générale qui décrit l'infiniment grand. Est-ce qu'il y a des pistes pour les unifier? En 1935, on parlait d'Einstein tout à l'heure, Einstein écrit un article fondamental avec deux de ses collègues qui s'appellent Podolsky et Rosen sur la mécanique quantique, dont il pensait qu'elle était incomplète, il manquait sans doute des informations qu'elle ne prenait pas en compte et qui conduisait à tous les problèmes que vous avez évoqués. Et cet article, ça s'appelle l'article EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Mais quelques mois plus tard, il en a écrit un autre avec Rosen tout court sur les trous de ver. Et il semblerait, si l'on en croit certains travaux récents, qu'en fait, ces deux papiers différents soient deux facettes du même problème. Et cette théorie nouvelle s'intitule EPR égale ER. Donc P égale 1. Enfin, non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne? La EPR, c'était quelque chose qui avait été mis en avant par Einstein et Podolsky et Rosen pour, oui, en gros, montrer que les fondements de la physique quantique étaient absurdes. Parce que l'idée, et c'est de la pure physique quantique là, l'idée c'est que si on a, disons, un atome radioactif qui se casse en deux, il va éjecter des choses à gauche et à droite. On sait que il devrait y avoir une certaine conservation. Il n'y a rien qui ne se crée, rien qui ne se perd dans notre univers. Du coup, si une des particules qui part par là tourne vers le haut, l'autre doit tourner vers le bas pour qu'ensemble ça s'annule. Sauf qu'en physique quantique, c'est pas aussi simple. Quand quelque chose tourne vers le haut, il tourne aussi vers le bas en même temps. Donc c'est les deux comme ça. Si vous comprenez pas, c'est que vous avez compris. Faut que je mette des guillemets. Oui, même si t'es Niels Bohr. Si vous avez comme ça les deux qui tournent en même temps d'un côté et pareil de l'autre. Sauf que si vous allez faire une mesure, si vous allez essayer de détecter si c'est vers le haut ou vers le bas, eh ben, vous allez obtenir soit vers le haut, soit vers le bas. Il y en a un des deux qui va disparaître. Et automatiquement, l'autre particule va être l'inverse. Si vous détectez vers le haut ici, de l'autre côté, loin, vous allez avoir vers le bas. C'est comme ça, ça s'appelle l'intrication quantique. Ça veut dire que, étonnamment, il y a quelque chose qui se balade quasi instantanément et qui dit à une des particules qui est partie à gauche, disons, ce qui s'est passé sur la particule qui est partie à droite dès l'instant où celle de droite a été détectée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Il y a quelque chose qui relie des atomes qui ont été en contact, même si ce qui les relie instantanément, c'est-à-dire plus. C'est pas un messager qui irait à la vitesse de la lumière, par exemple. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Ça va peut-être pas, c'est peut-être même pas un phénomène de propagation. Exact. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il semblerait que ce soit instantané. Et instantané, c'est inacceptable dès l'instant où on fait de la relativité restreinte d'Einstein. C'est interdit. Donc Einstein a vu ce truc-là. Et d'un autre côté, il s'est dit que, complètement différemment, le paradoxe, ER, là, le Einstein-Rosen Bridge, le pont de Einstein-Rosen, c'est quelque chose qui est complètement de la physique gravitation. C'est de la relativité générale. Rien de quantique là-dedans. Rien du tout. On a un espace-temps, un univers, disons, qui va être déformé, parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur, et en déformant un univers, vous pouvez créer, si vous le voulez, si vous êtes malin, mathématiquement en tout cas, des passages, des raccourcis entre des endroits qui sont éloignés dans notre univers. C'est ça, c'est un wormhole, un trou de ver, comme on dit en français, c'est des raccourcis entre des endroits éloignés dans notre univers. Bon, ces deux choses n'avaient absolument rien à voir l'une avec l'autre jusqu'à ce qu'il y a, je crois que c'était il y a quelques mois, voire ou un an peut-être, deux scientifiques qui s'appellent Juan Maldacena, que j'adore, il est génial, et Leonard. Il est à Princeton en face du bureau qu'occupait Albert Einstein. Ouais, ça a dû l'inspirer. J'ai fait ma thèse sur une partie de ses travaux, donc il est vraiment extraordinaire. Et l'autre, c'est Leonard Susskind, qui est un théoricien américain aussi, et eux, ils se sont dit, si ça se trouve, l'intrication quantique, c'est-à-dire cette chose qui fait que les deux côtés, là, deux particules, une à gauche, une à droite, savent instantanément ce qui s'est passé si l'une des deux est détectée et pas l'autre, c'est peut-être qu'il y a un passage qui les relie, quelque part. ER, le pont d'Einstein-Rosen, qui serait égal à l'intrication quantique. Et ils sont allés jusqu'à mettre cette hypothèse pour voir ce que ça voulait dire pour des trous noirs et ce genre de choses qui communiqueraient entre différents endroits de notre univers. Alors là, vous venez de rentrer pendant deux secondes dans ce qui se fait en physique théorique pure. Je ne dis pas que ça correspond encore à la réalité. Il n'y a pas d'expérience possible pour l'instant pour vérifier ce genre de choses, mais qui sait, pourquoi pas. Christophe Galfard, afin de conserver quelque chose de nous réintégrer, nous, dans la réalité, je propose qu'on arrête là. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique pour France Culture, Yvan Turc et Romain Luquiens, et pour l'Odéon, Franck Conda, Alizé Vazeille, Xavier Baron, Colline Yacoub et Michael Krug, que je remercie, et le tout a été réalisé par François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.